Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'en diffèrent? Et maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin. Je te haïrai, et puis un soir dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur